Chapitre 7. Le pêcheur à la mouche. Je m'assis au sommet d'une colline et envisageais ma situation. J'étais médiocrement satisfait, car la joie résultant de mon évasion disparaissait sous un violent malaise physique. Les gaz de la chédite m'avaient positivement empoisonné, et les heures d'insolation sur le colombier n'avaient pas amélioré les choses. J'éprouvais un mal de tête fou et me sentais malade comme un chien. Mon épaule était mal arrangée. Au début, je croyais qu'il s'agissait seulement d'une ecchymose, mais elle commençait à enfler et je ne pouvais plus me servir de mon bras gauche. J'avais projeté de retrouver la cabane de M. Turnbull afin de reprendre mes affaires, et en particulier le calepin de Scudder. Après quoi, je rejoindrais la grande ligne et retournerais vers le sud. Il me semblait que plus tôt je me mettrais en relation avec l'homme du Foreign Office, Sir Walter Bullivant, mieux cela vaudrait. Je ne voyais pas comment je pourrais obtenir plus de preuves que je n'en avais déjà. Il accepterait mon histoire ou la rejetterait, mais de toute façon, avec lui, je serais en meilleure main qu'avec ces diaboliques Allemands. J'éprouvais une bienveillance croissante à l'égard de la police anglaise. Il faisait un merveilleux clair d'étoiles, et je n'eus pas grande difficulté à trouver mon chemin. La carte de Sir Harry m'avait donné une idée générale du pays, et je n'eus qu'à me diriger vers l'ouest-sud-ouest pour atteindre la rivière où j'avais rencontré le cantonnier. Dans toutes ces pérégrinations, j'ignorais les noms des localités, mais je crois que cette rivière n'était rien de moins que le cours supérieur de la Tweed. D'après mon calcul, je devais m'en trouver à quelque 18 000, ce qui m'empêcherait d'y être avant le matin. Il me fallait donc passer la journée quelque part, car je ne pouvais, mis comme je l'étais, me montrer au grand jour. Je n'avais ni veste, ni gilet, ni col, ni chapeau. Mon pantalon était en loques, mon visage et mes mains noircies par l'explosion. Je suppose que j'avais encore d'autres agréments, car je me sentais les yeux terriblement injectés. Bref, je n'étais pas un spectacle à offrir sur une grande route à d'honnêtes citoyens. Peu après le lever du jour, je tentai de me débarbouiller dans un torrent, puis me dirigeai vers une cabane de paysans, car j'avais besoin de nourriture. Le paysan était sorti, et sa femme restait seule, sans voisin, une lieue à la ronde. C'était une honnête vieille, et courageuse d'ailleurs, car malgré l'effroi que lui inspirait ma vue, elle s'empara d'une hache dont elle n'eut pas hésité à se servir contre un malfaiteur. « J'ai fait une chute, lui dis-je sans donner d'explication. » Et elle vit à mon air que j'étais très mal en point. Sans me poser de questions, cette bonne samaritaine me donna une jatte de lait additionnée d'une rasade de whisky et m'offrit de me reposer un peu devant l'âtre de la cuisine. Elle voulut panser mon épaule, mais celle-ci me faisait tant de mal que je ne lui permis pas d'y toucher. Je ne sais pourquoi elle me prit, un voleur repentant peut-être, car lorsque j'allais pour lui payer le lait et lui tendis un souverain, je n'avais pas de plus petite monnaie, elle secoua la tête et marmotta que je ferais mieux de donner ça à ceux à qui ça revenait. Là-dessus, je protestais si énergiquement qu'elle dut finir par me croire honnête. Elle accepta la pièce et me donna en échange, outre un vieux chapeau de son homme, un plaid chaud et neuf. Elle me montra la manière de draper le plaid autour de mes épaules, et quand je sortis de la chaumière, je représentai au naturel l'Écossais type que l'on voit sur les illustrations des poèmes de Burns. Mais en tout cas, j'étais plus ou moins vêtue. Je m'en trouvais bien, car le temps changea dans la matinée et la pluie se mit à tomber dru. Je cherchai un abri dans le creux d'un ravin sous un rocher où une accumulation de fougères mortes faisait une couche passable. Je m'y livrais au sommeil et ne me réveillais qu'à la tombée de la nuit, misérablement courbaturé, lancinée par mon épaule comme par une rage de dents. Je mangeai le pain d'avoine et le fromage que la vieille m'avait donné et me remis en marche avant l'obscurité. Je ne dis rien des souffrances de cette nuit passée dans l'humidité des montagnes. Faute d'étoiles pour me guider, je dus m'en tirer tant bien que mal d'après mes souvenirs de la carte. Par deux fois, je perdis mon chemin et je fis plusieurs mauvaises chutes dans des trous à tourbe. Je n'avais à parcourir qu'environ 10 000 à vol d'oiseau, mais j'en fis plus près de 20 grâce à mes erreurs. Vers la fin du trajet, je marchais les dents serrées, la tête vide et bourdonnante, mais j'en vins à bout, et au petit jour, je frappais à la porte de M. Turnbull. Le brouillard était dense et opaque, et de la cabane, je ne voyais pas la grande route. Turnbull en personne m'ouvrit, dégrisé, et même plus que dégrisé. Il était tiré à 4 épingles dans un complet noir, antique mais bien conservé. Il s'était rasé pas plus tard que le soir précédent. Il portait un col de toile et dans sa main gauche, il tenait une Bible de poche. Il ne me reconnut pas tout de suite. « Qui êtes-vous pour venir vagabonder par ici un dimanche matin ?» me demanda-t-il. J'avais entièrement perdu le compte des jours. Le dimanche, telle était donc l'explication de cette grande tenue insolite. La tête me tournait si violemment que je ne pus former de réponse cohérente, mais il me reconnut et vit que j'étais malade. « Avez-vous rapporté mes besicles ? » demanda-t-il. Je les tirai de la poche de mon pantalon et les lui tendis. « Vous venez sans doute pour votre jaquette et votre gilet. » « Entrez toujours. Fichtre camarade, vous avez l'air rudement démoli. Tenez-vous un peu que je vous apporte une chaise. » Je compris que j'en étais pour un accès de paludisme. Il me restait de vieilles fièvres dans le sang et la nuit d'humidité venait de les faire sortir. De plus, mon épaule et les effets des gaz se coalisaient pour m'aplatir tout à fait. Sans me laisser le temps de me reconnaître, M. Turnbull m'aida à me déshabiller et me mit au lit dans l'une des 2 armoires qui garnissaient les murs de la cuisine. Il ne vous abandonnait pas dans le besoin, ce vieux cantonnier. Sa femme était morte des années auparavant et depuis le mariage de sa fille, il vivait seul. Pendant près de 10 jours, il me donna tous les soins rudimentaires que réclamait mon état. Il ne me fallait qu'être laissé en paix tant que la fièvre suivait son cours, et lorsque ma peau reprit sa température normale, je m'aperçus que l'accès avait à peu près guéri mon épaule. Mais il fut assez grave, et tout en quittant le lit au bout de 5 jours, il me fallut encore du temps pour me remettre d'aplomb. Il partait chaque matin, me laissant du lait pour la journée et fermant à clé la porte derrière lui. Et à la brune, il revenait s'asseoir, silencieux, au coin de l'âtre. Pas une âme n'approcha de la maison. Quand je me trouvais mieux, il ne m'importuna pas de questions. À plusieurs reprises, il me procura un Scotsman vieux de 2 jours. Et je remarquai que l'intérêt soulevé par l'assassinat de Portland Place était épuisé. On n'en parlait plus, et il n'était guère question que d'une certaine assemblée générale, une sorte de farce ecclésiastique à ce que je compris. Un jour, il tira ma ceinture d'un tiroir fermé à clé. « Il y a joliment de la galette là-dedans, » me dit-il. « Vous feriez bien de compter pour voir si tout y est. » Il ne s'informa même pas de mon nom. Je lui demandai si personne n'était venu prendre des informations à la suite de mon accès de travaux routiers. « Si fait, un homme en automobile. Il voulait savoir qui avait pris ma place ce jour-là, et je lui ai répondu qu'il était ma boule. Mais comme il ne me lâchait pas, je lui ai dit finalement qu'il parlait sans doute de mon beau-frère de Cloche, qui, des fois, me donne un coup de main. Il avait l'air d'un homme du Sud, et je ne comprenais pas la moitié de son parler anglais. Je devins très impatient ces derniers jours, et je ne me sentis pas plutôt d'aplomb que je décidai de partir. On était alors au 12 juin, et comme si la chance me favorisait, un bouvier passa ce matin-là, menant des bêtes à Moffat. C'était un nommé Hyslop, un ami de Turnbull. Il entra pour déjeuner avec nous et m'offrit de m'emmener avec lui. Je forçai Turnbull à accepter 5 livres pour ma pension, mais ce ne fut pas sans peine. Il n'y eut jamais être plus indépendant. Il devint positivement grossier quand je le pressai, et tout rouge et bourru, il prit à la fin mon argent sans dire merci. Lorsque je lui parlais de ce que je lui devais, il grommela confusément qu'une bonne manière en valait une autre. On eût cru, à nous voir nous séparer, que nous nous quittions fâchés. Hyslop était une joyeuse créature qui bavarda tout le long de la montée et jusque dans le val ensoleillé d'Annan. Je lui parlais des marchés de Galloway et du prix des moutons, et il resta persuadé que j'étais un berger de par là-bas. Mon plaid et mon vieux chapeau, comme je l'ai dit, me donnaient l'air d'un vrai Écossais de théâtre. Mais c'est une corvée singulièrement lente que de conduire du bétail, et nous mîmes presque une journée à parcourir une 12 000. Si j'avais eu l'esprit moins inquiet, j'aurais goûté ces heures-là. Il faisait un azur éclatant, le paysage se modifiait constamment, avec ses collines rousses et ses lointaines prairies vertes, et il s'élevait un concert perpétuel de rossignols, de courlis et d'eau courante. Mais je ne me souciais guère de l'été imminent, et moins encore de la conversation d'Hyslop, car l'approche du fatidique 15 juin m'accablait sous les difficultés de mon entreprise désespérée. Je dînai dans un modeste cabaret de Moffat et fis à pied les 2 derniers milles jusqu'à la bifurcation de la grande ligne. L'express de nuit pour le sud ne devait passer que vers minuit, et pour tuer le temps, je montai sur le versant de la hauteur, où, fatigué de la marche, je m'endormis. Je faillis dormir trop longtemps. Je dus courir à la station, et j'attrapai le train 2 minutes avant son départ. Le contact des dures banquettes de 3e et l'odeur du tabac grossier me réjouirent étonnamment. Et puis, je me sentais enfin prêt à en venir aux prises avec ma tâche. Je fus débarqué à Crewe en pleine nuit, et il me fallut attendre jusqu'à 6 heures un train pour Birmingham. Dans l'après-midi, j'arrivai à Reading et me transférai dans un train vicinal qui serpentait parmi les bas-fonds du Berkshire. Je me trouvai alors dans une grasse contrée de prairies submergées et de lentes rivières envahies de roseaux. Vers 8 heures du soir, un individu, éreinté et sali par le voyage, un hybride entre le valet de ferme et le vétérinaire, avec un plaid à carreaux noirs et blancs sur le bras, car je n'osais le porter au sud de la frontière écossaise, descendit à la petite station d'Artinswell. Il y avait du monde sur le quai, et je préférais attendre d'être sorti de là pour demander mon chemin. La route traversait d'abord un bois de grands hêtres, puis longeait une vallée peu profonde, d'où l'on voyait de verts sommets de dunes par-dessus les arbres lointains. Au sortir de l'Écosse, l'air semblait lourd et fade, mais infiniment doux, car les tilleuls, les marronniers et les lilas formaient des berceaux de fleurs. J'arrivai bientôt à un pont au-dessous duquel un cours d'eau limpide et lente coulait entre des parterres neigeux de renoncules aquatiques. Un peu plus haut, il y avait un moulin, et son déversoir faisait dans l'ombre odorante un bruit agréablement frais. Ce paysage, en somme, m'apaisa et me tranquillisa. Je me mis à siffler en considérant les vertes profondeurs, et l'air qui me vint aux lèvres fut annilori. Un pêcheur remontait du bord de l'eau, et en approchant de moi, lui aussi commença de siffler. Mon air devait être communicatif, car il suivit mon exemple. C'était un homme robuste, en vieux complet de flanelle peu propre, avec une musette de toile en bandoulière. Il m'adressa un signe de tête, et je crois bien n'avoir jamais vu figure plus fine et plus avenante. Il appuya contre le pont sa mince canne à pêche de 10 pieds et regarda l'eau avec moi. « Elle est limpide, hein ? » fit-il aimablement. « Regardez-moi ce gros là-bas, il pèse 4 livres comme une once, mais le bon moment du soir est passé et il n'y a plus moyen de l'écrocher. »« Je ne le vois pas, » dis-je. « Regardez là-bas, à 1 mètre des roseaux, juste au-dessus de cette épinoche. »« Je le tiens à présent, on jurerait une pierre noire. » « Tout juste, » dit-il, et il siffla encore une mesure d'annilori. « C'est Twisdon qu'il s'appelle, n'est-ce pas ? » fit-il par-dessus l'épaule, sans quitter des yeux le courant. « Non, » dis-je. « C'est-à-dire, oui. » J'avais entièrement oublié mon pseudonyme. « Un sage conspirateur ne doit pas oublier son nom, » observa-t-il, en adressant un sourire épanoui à une poule de bruyère qui émergeait de l'ombre du pont. Je restais à le considérer, et sa mâchoire ferme et carrée, son front large et ridé, les plus énergiques de ses joues, me firent voir que j'avais enfin trouvé un allié qui en valait la peine. Ses yeux bleus et bizarres semblaient voir très profondément. Tout à coup, il fronça le sourcil. « C'est honteux, » fit-il, élevant la voix, « honteux qu'un homme bien constitué comme vous ose demander l'aumône. Je veux bien vous faire donner à manger, mais vous n'aurez pas un sou de moi. » Un dog-cart passait, conduit par un jeune homme qui leva son fouet pour saluer le pêcheur. Lorsqu'il eut disparu, celui-ci reprit sa canne. « Voilà ma maison, » dit-il en désignant un portail blanc à 100 mètres de là. « Attendez 5 minutes et puis allez-vous-en à la porte de derrière. » Et là-dessus, il me quitta. Je fis comme il m'indiquait. Au bout d'un chemin, que bordait une véritable jungle de boules de neige et de lilas, je trouvai un joli chalet dont la pelouse descendait à la rivière. La porte de derrière était ouverte et un majestueux maître d'hôtel m'attendait. « Par ici, monsieur, » dit-il. Et il me conduisit par un corridor et par un escalier de service à une jolie chambre donnant sur la rivière. J'y trouvai à ma disposition une garde-robe assortie, un habit de soirée avec tous ses accessoires, un complet de flanelle marron, des chemises, cols, cravates, rasoirs et brosses à cheveux, jusqu'à une paire de bottines de marque. Sir Walter a pensé que les effets de M. Wedgie vous iraient, monsieur, dit le maître d'hôtel. Il a ici quelques affaires, car il vient régulièrement passer le dimanche. La salle de bain est à côté, monsieur, et j'ai fait chauffer l'eau. « On dîne dans une demi-heure, monsieur. Vous entendrez le gong. » L'imposant individu se retira, et je me laissai aller tout ébaubi dans une bergère recouverte de guipures. C'était une vraie féerie de passer tout à coup de la mendicité à ce confort bien ordonné. D'évidence, pour un motif qui m'échappait, Sir Walter croyait en moi. Je me regardais dans la glace et vis un personnage basané, hirsute et farouche, avec une barbe de 8 jours, de la poussière dans les yeux et les oreilles, pourvu d'une chemise grossière et sans col, d'informes vêtements de vieille cheviotte et de souliers qui ne connaissaient plus le cirage depuis un mois. Je faisais un charmant cheminot et un joli bouvier. Et voici que j'étais introduit par un majordome distingué dans ce gracieux temple du luxe. Et le plus beau, c'est qu'on ne savait même pas mon nom. Je résolus de ne pas me casser la tête sur ce problème et d'accepter les dons que m'envoyaient les dieux. Je me rasais et me baignais avec délice, m'insinuais dans la belle chemise craquante et dans le costume de soirée qui ne m'allait pas trop mal. Lorsque j'eus fini, la glace me renvoya l'image d'un jeune homme assez présentable. Sir Walter m'attendait dans la pénombre d'une salle à manger où une petite table ronde s'éclairait de flambeaux d'argent. À sa vue, à la vue de cet homme si respectable, posé et sûr de lui, incarnation de la loi, du gouvernement et de toutes les convenances, j'eus un geste de recul et me sentis un intrus. Il était impossible qu'il sût la vérité à mon sujet, ou sinon il ne m'aurait pas traité de la sorte. Je ne pouvais réellement accepter son hospitalité sur des bases mensongères. Je vous suis plus obligé que je ne peux l'exprimer, mais je me vois forcé de mettre les choses au point, lui dis-je. Bien que je sois innocent, la police est à ma recherche. Je tiens à vous en informer, et je ne m'étonnerai pas si vous me jetiez à la porte. Il sourit. Ça va bien, que cela ne trouble pas votre appétit. Nous en reparlerons après dîner. Jamais repas ne me fit plus grand plaisir, car je n'avais rien mangé de toute la journée que des sandwiches de buffet. Sir Walter me traita avec distinction, en m'offrant un champagne supérieur suivi d'un porto exquis. Je faillis pleurer d'énervement à me voir assis là, servi par un valet de pied et un maître d'hôtel impeccable, et à me rappeler que je venais de vivre 3 semaines durant comme un bandit, avec le monde entier contre moi. J'entretins Sir Walter du poisson-tigre du Zambèze, qui vous emporterait les doigts d'un coup de dent si on le laissait faire, et nous causâmes cynégétiques en long et en large du globe, car il avait chassé un peu dans sa jeunesse. Nous prîmes le café dans son cabinet, agréable pièce garnie de livres et de trophées, pleine de désordre et de confort. Je pris la résolution, si jamais je me dépêtrais de cette affaire et possédais un jour une maison à moi, de m'organiser une chambre pareille. Puis, les tasses à café débarrassées et nos cigares allumés, mon hôte passa ses longues jambes par-dessus le bras de son fauteuil et me pria de lui débiter mon récit. J'ai obéi aux instructions de Harry, ajouta-t-il. Et il m'a promis qu'en échange, vous me raconteriez quelque chose d'intéressant. Je vous écoute, monsieur Haney. Je sursautais à l'entendre m'appeler par mon vrai nom. Je commençais par le tout commencement. Je dis mon ennui à Londres, et ce soir où, en rentrant chez moi, Scudder m'arrêta devant ma porte. Je lui répétais tout ce que Scudder m'avait raconté au sujet de Carolides et de la conférence du Foreign Office, sur quoi il pinça les lèvres en souriant. Puis j'en vins à l'assassinat et il reprit son sérieux. Il sut tout concernant le laitier, mon voyage dans le Galloway et mon déchiffrement des notes de Scudder à l'auberge. « Vous les avez sur vous ? » demanda-t-il avec vivacité. Et il poussa un soupir de soulagement lorsque je tirai de ma poche le petit calepin. Je ne parlais pas de son contenu, mais je rapportais ma rencontre avec Sir Harry et les discours de la réunion. Cela le fit rire aux éclats. Harry a débité les pires absurdités, alors. Je le crois bien volontiers. C'est le meilleur garçon du monde, mais sa ganache d'oncle lui a bourré la cervelle de bourde. « Allez toujours, monsieur Haney. » Ma journée de cantonnier excita son intérêt. Il me fit décrire méticuleusement les deux individus de l'auto et parut interroger sa mémoire. Il retrouva sa gaieté en apprenant le sort de cet imbécile de Jopley. Mais l'épisode du vieillard dans la maison de la Lande le rendit grave. De nouveau, il me fallut décrire son extérieur dans le dernier détail. Doucereux et chauve, et clignant des yeux comme un volatile, un vrai oiseau de mauvais augure. Et vous avez dynamité son ermitage après qu'il vous eût sauvé de la police. Voilà du noble travail. J'arrivai enfin au bout de mes pérégrinations. Il se leva lentement, et debout sur le devant du foyer, abaissa vers moi son regard. Vous pouvez rayer la police de vos soucis, dit-il. Vous n'avez plus à craindre en rien la justice de votre pays. Grand Dieu ! M'écriai-je. A-t-on retrouvé l'assassin ? Non, mais depuis une quinzaine, on ne songe plus à vous inculper. Pourquoi ? Demandai-je avec étonnement. Tout d'abord, parce que j'ai reçu une lettre de Scudder. Je le connaissais un peu, et il a travaillé plusieurs fois pour moi. Il était à demi toqué, à demi génial, mais foncièrement honnête. L'ennui avec lui était son inclination à mener sa partie seule. Cela le rendait à peu près inutile dans un service secret, chose regrettable, car il possédait des facultés hors ligne. C'était, je crois, l'homme le plus brave du monde, car il tremblait toujours de peur, et cependant il ne reculait devant rien. J'ai reçu de lui une lettre le 31 mai. Mais il était mort depuis 8 jours. La lettre fut écrite et mise à la poste le 23. Évidemment, il ne prévoyait pas une fin aussi proche. Sa correspondance mettait d'ordinaire une semaine à me parvenir, car elle était expédiée sous double enveloppe en Espagne, et de là à Newcastle. Il avait la manie, vous le savez, de dissimuler ses traces. « Que disait-il ? » balbutiai-je. « Rien, simplement qu'il était en danger, mais qu'il avait trouvé asile chez un ami sûr, et que je recevrais de ses nouvelles avant le 15 juin. Il ne me donnait pas d'adresse, mais disait qu'il logeait près de Portland Place. » Son intention était, je crois, de vous disculper s'il lui arrivait quelque chose. En recevant cette lettre, je me rendis à Scotland Yard, repassai les détails de l'enquête et conclus que c'était vous, Monsieur Haney, l'ami en question. Nous prîmes sur votre compte des informations qui se trouvèrent favorables. Je crus comprendre que votre disparition avait pour cause non seulement la police, mais encore une autre crainte, et en recevant le billet de Harry, je devinai le reste. Je vous ai attendu à tout moment depuis 8 jours. On peut imaginer quel poids cela m'ôta de l'esprit. Je me sentis de nouveau un homme libre, car je n'avais plus à lutter que contre les ennemis de mon pays, et non plus contre sa justice. « Et maintenant, voyons ce petit calepin, » dit Sir Walter. Son examen nous prit une grande heure. Je lui expliquai le chiffre, et il sut s'en servir tout de suite. Il corrigea ma lecture en divers passages, mais ma traduction se trouva correcte en gros. Dès avant la fin, son visage revêtait un sérieux extrême, et il resta ensuite quelque temps silencieux. « Je ne sais que faire, » dit-il enfin. « Il a raison sur un point, à savoir ce qui va se passer après-demain. Comment diable cela a-t-il pu transpirer ? Voilà déjà qui est assez mauvais. Mais tout ce qui concerne la guerre et la pierre noire, cela me fait l'effet du pire mélo. Que n'ai-je plus de confiance dans le jugement de Scudder ? L'ennui avec lui... C'est qu'il était trop romanesque, il avait le tempérament artiste, et il prétendait embellir la vérité toute nue. Il avait en outre quelques travers bizarres. Les Juifs, par exemple, le faisaient voir rouge, les Juifs et la haute finance. « La pierre noire, » reprit-il, « Der Schwarzstein, c'est comme dans les livraisons à deux sous. Et tout ce bourrage concernant Carolides, c'est la partie faible de l'histoire, car je sais pertinemment que le vertueux Carolides est capable de durer plus longtemps que nous deux. Aucun pays en Europe ne désire le voir disparaître. De plus, il vient de déployer ses talents à Berlin et à Vienne et de procurer à mon chef quelques mauvais moments. Non, Scudder a perdu la piste là-dessus. Franchement, Haney, je ne crois pas à cette partie de son histoire. Il se brasse quelque vilaine affaire. Il en a découvert trop et il y a perdu la vie. Soit. Mais je suis prêt à donner ma parole qu'il s'agit là de simple espionnage. Une certaine grande puissance européenne est entichée de son système d'espionnage et ses méthodes ne sont pas des plus scrupuleuses. Comme elle paye aux pièces, ses émissaires n'iront pas reculer devant un meurtre ou deux. Ils veulent nos instructions navales pour leur collection du Marineamt, ministère allemand de la Marine. Mais ces instructions seront classées dans un cartonnier, voilà tout. À ce moment, le majordome pénétra dans la pièce. « On vous demande au téléphone de Londres, Sir Walter. C'est M. Heath qui désire vous parler, personnellement. » Mon hôte s'en alla au téléphone. Il revint au bout de 5 minutes, tout pâle. « Je fais mes excuses au mânes de Scudder, dit-il. Carolides a été tué d'un coup de revolver ce soir, quelques minutes avant 7 heures. »